Il marche, il parle comme un voyou. Illicite, illicite comme un voyou. Des billets, il faut le caillou. Il est dans de drôles de bayou. Il marche, il parle comme un voyou. Illicite, illicite comme un voyou. Des billets, il faut le caillou. Il est dans de drôles de bayou. J't'ai vu choper l'autre, tu m'aimes plus, t'es mon allié. J'me lève, j'fume un pet, j'vois un chemin, tour mon palier. J'fais poussette sur poussette pour grimper de palier. Ils me posent tous plein de questions, mais leur histoire, j'suis pas lié. Boule incomparable, quand elle me calcule pas, j'suis dépassé. J'crois que j't'ai oublié, bâtard, deux secondes, je vais repasser. J'crois que j'vis, j'm'en fous de baiser, j'veux me faire masser. Tu sais que tu t'es manqué au regard, mon message, il est passé. Dehors, c'est comme en promenade, les équipes elles tournent. Après, ces salopes te passent la pommade, passe même plus faire un tour. Je représente tous les mecs à patte, 40 points si tu me veux dans ta boîte. Elle s'en fout de toi que tu sois beau ou intelligent. Si ce soir elle répond pas, c'est qu'elle a trouvé un pigeon. Je vous calcule pas, j'ai autre chose à faire, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Qui te donne un rouge quand tu es à terre, c'est souvent lui à qui tu t'attendais pas. Des fois j'ai l'impression que la terre m'en veut. J'ai l'impression de faire des envieux. Des fois j'ai l'impression que la terre m'en veut. J'ai fait le voyou, j'ai fait le voyou. J'ai vu que tes paroles ne tenaient pas. J'ai fait le sourd, oui le sourd. J'ai fait comme si je ne comprenais pas. J'ai fait le voyou, j'ai fait le voyou. J'ai vu que tes paroles ne tenaient pas. J'ai fait le sourd, oui le sourd. J'ai fait comme si je ne comprenais pas. Tu fais le voyou, tu fais le voyou. Tu fais le voyou, tu fais le voyou. Tu fais le voyou, tu fais le voyou. Tu fais wallou, tu fais wallou. Tu fais le voyou, tu fais le voyou. Tu fais le voyou, tu fais le voyou. Tu fais le voyou, tu fais le voyou. Mais tu fais wallou, tu fais wallou. Que des salopes, sa voix de gadget d'entrée sa clope. Au quartier à l'aube, le soleil se lève, on se met à l'ombre. Wesh hombre, pourquoi se montrer, pourquoi racailler. Wesh hombre, skip, tu nous as vu chatailler. Bah oui, le petit veut se faire l'idole. Mauvaise fréquentation au quartier, il a son idole. Elle est chaude, elle se met à twerker. Elle me regarde, j'ai même pas posqué. J'ai pris un trottoir comme un béro, obligé de me faire remorquer. Pas de papier, ils veulent m'embarquer. Ma caisse en crabe sur un parking. J'vais R6 mais c'est trop braqué. Avec le signe sur les sièges baqués. Cagoule machin, fausse plaque. Tout le monde à terre récupère le sac. Pendant que tes potos font la queue pour faire un verre et faire les maques. Ça y est, c'est l'été. J'vois les petits en t-shirt d'épée. Maman, pas win, ça part guetter. Prends tous les risques pour pas se faire péter. Dites-vous que je m'en tape les clés. Ou des mauvais comme eux que vous mettez. J'vous bannis, j'vous supprime. Vous faites des fake pour m'embêter. Tu fais le voyou, tu fais le voyou. J'ai vu que tes paroles ne tenaient pas. J'ai fait le sourd, oui le sourd. J'ai fait comme si je ne comprenais pas. J'ai fait le voyou, tu fais le voyou. J'ai vu que tes paroles ne tenaient pas. J'ai fait le sourd, oui le sourd. J'ai fait comme si je ne comprenais pas. Tu fais le voyou, tu fais le voyou. Tu fais le voyou, tu fais le voyou. Tu fais le voyou, tu fais le voyou. Tu fais wallou, tu fais wallou. Tu fais le voyou, tu fais le voyou. Tu fais le voyou, tu fais le voyou. Tu fais le voyou, tu fais le voyou. Mais tu fais wallou, tu fais wallou.